fait les cons. On fait les comptes. L'école et la cité. Les rêves imaginés. On se rend compte. Sans se rendre compte. Que depuis tout petit, on n'a pas fait tout ce qu'on a dit. On fait les cons, on fait les comptes. C'est la vie qui nous montre combien le temps ça compte. On se rend compte, sans se rendre compte. On a grandi, construit son nid. Quand on commence à faire les comptes, on commence à se rendre compte qu'on fait pas comme on veut, mais on fait comme on peut. Oui, comme on peut. On aurait pu faire mieux, mais on fait ce qu'on peut. Ce que l'on peut. On prend des leçons, mais on n'a pas toujours bon. Des idées envolées à offrir au passé. On se rencontre sans se rendre compte que le temps écoulé nous a appris à apprivoiser. Quand on commence à faire les comptes, on commence à se rendre compte qu'on fait pas comme on veut, mais on fait comme on peut. Oui, comme on peut. On aurait pu faire mieux, mais on fait ce qu'on peut. Ce que l'on peut. Faire mieux.